Selon les journaux sud-coréens Newsis et Une Nation, le 7 courant, la représentante du Parti démocrate Toburo a dénoncé les vices et corruptions de la bande de Park Geun-hye lors de la session de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, d'après le journal d'internet sud-coréen La Voix du Peuple, le sondage d'opinion par un institut du 4 au 6 octobre sur plus de 1000 hommes et femmes montre que le nombre de personnes qui ont estimé mauvaise l'exécution par Park Geun-hye de sa politique a augmenté de 1% par rapport à la semaine dernière et par contre, sa cote de soutien est la plus basse depuis son entrée en fonction.